c'est parfois presque gênant de réaliser à quel point j'ai résisté longtemps dans mon processus de deuil. Longtemps, je me suis jugée d'avoir fui la réalité. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était mon parcours, mon chemin de Compostelle, à moi. Moi, orpheline? Pardon, vous pouvez répéter? C'était un bel après-midi d'automne. Je faisais du shopping, relax. Vous savez, une de ces journées où vous savez pertinemment que puisque vous avez le budget, vous ne trouverez rien. C'était une de celles-ci. C'est alors dans cette légèreté qu'avait commencé ma journée. Si j'avais su de quelle façon elle allait brusquement changer de cap, j'aurais pris mes jambes à mon cou. N'allez pas imaginer le drame. Celui-ci était survenu il y a longtemps déjà. Parfois, ce ne sont pas les événements qui créent l'impact, mais plutôt le moment où on processe l'information. C'est donc entre deux présentoirs de robes fleuries que j'ai croisé une vieille amie du secondaire. Un bonheur d'entendre les accomplissements d'une si belle personne, comme si je revenais dans le temps, l'espace d'un moment. S'intéressant à son tour à mon parcours, à travers mille et une questions, elle me demanda tout bonnement « Tu es dans le coin pour visiter tes parents? » Je lui répondis « Non, mes parents sont décédés. » Et elle, de me répondre « Tu es orpheline? » Évelin, dans les dents. Arrêt sur image. J'ai eu l'impression de déconnecter de mon corps. C'est à ce moment précis, exactement 8 ans après le deuil de ma mère, entourée de robes fleuries, que je comprenais que je détenais ce titre, peu convoité. J'étais orpheline, moi? Je ne me rappelle pas la fin de cette discussion. Je ne l'ai peut-être même jamais terminée. Je me souviens seulement qu'à ce moment, je ne pouvais plus fuir la réalité. La Karine d'aujourd'hui dirait « il était temps ». Pour moi, être orpheline, c'était comme dans le film Annie, que j'écoutais en boucle, ou le dessin animé de Rémi sans famille, que ma mère avait tôt fait de m'interdire l'écoute, après quelques épisodes seulement, car elle me retrouvait cachée dans le coin du fauteuil, les yeux bouffis à trop pleurer. Mon cœur d'enfant, touché, comme s'il comprenait ce que j'allais traverser quelques années plus tard. Oui, ce fut une bizarre de journée, mais ce fut aussi la première pour assumer ma réalité et la dédramatiser, car la réalité était la même et j'y avais survécu. Venait maintenant le temps de regarder derrière moi et d'en être fière. Quoi que l'on ne désire pas l'entendre dans les premiers moments, le temps fait réellement son œuvre dans l'ombre de nos peines. Le temps, comme un courant d'eau, polit à sa façon tous les coins trop pointus de nos épreuves. Chacun a son histoire, la mienne n'est pas pire qu'une autre. Même que je vous épargne des moments de gratitude incomparables que j'ai vécus. Mais aujourd'hui, avec le recul, je considère que l'on parle trop peu des difficultés que vit un enfant ou un jeune adulte à la perte d'un parent. Cette réalité crée un impact foudroyant dans la manière de s'attacher aux autres par la suite. Le deuil nous impose une petite voix qui prend place, au départ pour nous protéger, mais qui devient sournoisement l'ennemi juré de l'orphelin. Cette petite voix stimule les peurs d'abandon, de rejet, et elle soupçonne tout risque de perdre à nouveau, ce qui déguise parfois les raisons d'aimer et d'être aimé. Plus jeune, je croyais que j'étais la seule à m'handicaper la vie avec ces deuils. Chez moi, on ne parlait pas de ça. Et on m'a souvent rappelé, sur un drôle de ton que j'étais hypersensible, ce qui eut l'effet de me discréditer moi-même dans ce que je ressentais. C'était assurément moi le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes cousins, aussi orphelin, me demande « Cousine, est-ce qu'on s'en sort un jour? » J'ai compris que nous sommes nombreux à nous battre avec quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on a honte que l'on ne se reconnaît plus. Nos épreuves sauront se transformer en force, mais pour ce faire, nous devons les accueillir, les assumer, et nous devons en parler. Quoi qu'il en soit, assumer sa vie et son histoire demeure primordial. Comprendre que perdre ses repères en bas âge amène son lot de peurs, mais développe par le fait même des forces incomparables, tel un éveil à l'empathie, un regard humain sur les situations de souffrance, une capacité à apprécier ce que l'on a au détriment de ce que l'on voudrait. C'est pas rien. J'oserais répéter que l'œuvre du temps a su changer ma vision de l'orpheline de ce début de récit. La petite voix me souffle maintenant à l'oreille de reconnaître la chance que j'ai eue de recevoir tant d'amour et d'avoir su le cultiver pour toujours.